sur la neige et sur le sable. Le chameau vit dans le désert. Regarde les pieds du chameau. Ses pieds ne s'enfoncent pas dans le sable. Ce camion est aussi dans le désert. Ses roues ne s'enfoncent pas dans le sable. Ce lézard vit dans le désert. Regarde ses pieds. Il a des pieds palmés. Ses pieds ne s'enfoncent pas dans le sable. Ce lapin est sur la neige. Il a de la fourrure sur les pieds. Ses pieds ne s'enfoncent pas dans la neige. Cet oiseau est aussi sur la neige. Il a des plumes sur les pieds. Ses pieds ne s'enfoncent pas dans la neige. Cet homme marche sur la neige. Regarde ses pieds. Ses pieds ne s'enfoncent pas dans la neige.